à l'écoute, 9h-3, François Morel, c'est à vous. Le cardinal prie. Le cardinal écarte pour l'instant l'idée d'une démission. Le cardinal porte les souffrances terribles provoquées par le prêtre pédophile. Le cardinal prie. Le cardinal prie pour le prêtre pédophile. Et pour les victimes, naturellement, ça va sans dire, mais ça allait tellement mieux en le taisant. Le cardinal a bon cœur. Hier, déjà, le cardinal priait les paroissiens de ne pas colporter tous ces bruits concernant les turpitudes du père pédophile qui, en 2011, connut la promotion en devenant doyen de 6 paroisses dans le Roannais. Toutes ces rumeurs, tous ces ragots, tous ces racontats, toute cette vilenie dont se délectent les ennemis de la foi, ne rendent pas service à l'Église apostolique et romaine. Le cardinal prie en silence. Quand le cardinal prie, le cardinal écoute, mais il ne parle pas. Comme elles sont injustes, ces accusations laissant entendre que le cardinal n'avait rien fait. Comme ils sont partiaux, ces réquisitoires suggérant que le cardinal n'avait pas pris la mesure de ce qui s'était passé il y a quelques années dans l'intimité de la sacristie, derrière un paravent, dans un confessionnal. Le cardinal avait bien convoqué le prêtre pédophile, mais le prêtre pédophile avait assuré qu'il n'avait plus récidivé depuis 91. Pourquoi le cardinal aurait-il dû remettre en cause la parole du prêtre pédophile? La confiance en son prochain n'est-elle pas au cœur même de l'attitude chrétienne? Pourquoi le cardinal aurait-il empêché ce malheureux prêtre pédophile de fréquenter les scouts, les petits scouts pleins de vie et de soif, de connaissances et d'expériences diverses? Quel bonheur de voir l'enthousiasme du prêtre pédophile entouré de tous ces jeunes garçons découvrant la cuisine au feu de bois, les rallyes, la faune, la flore et la nature humaine. Le cardinal n'avait aucune raison de remettre en doute la parole du prêtre. Et puis, une mise à l'épreuve, n'est-ce pas le meilleur moyen de tester la force de l'âme, la puissance de la volonté de l'agneau égaré? Si le prêtre pédophile avait été pyromane, le cardinal lui aurait donné une boîte d'allumettes. Si le prêtre pédophile avait été zoophile, le cardinal lui aurait confié les clés du zoo. Si le prêtre pédophile avait été sadomasochiste, le cardinal lui aurait offert des menottes, un fouet, une combinaison en cuir et une croix de Saint-André en souvenir de l'apôtre martyr, premier disciple appelé par Jésus-Christ, et par ailleurs si propice au supplice des parties intimes, flagellation, fessée, bougie, mais comme l'agneau de Dieu qui l'emporte sur les péchés du monde, je m'égare. Le cardinal prie pour les agneaux égarés, mais surtout protégé par la loi du silence et le respect que l'on doit forcément à l'autorité de l'Église et ses représentants au-dessus de tout soupçon. Le cardinal prie pour le prêtre pédophile. Et pour ses victimes, naturellement. François Morel, à vendredi prochain. Le silence qui suit votre serment était un silence religieux, mon cher François.